une catastrophe dérangea son équilibre. Il était entré, comme membre du conseil de surveillance, dans une compagnie de kaolins. Mais, se fiant à tout ce qu'on lui disait, il avait signé des rapports inexacts et approuvé, sans vérification, les inventaires annuels frauduleusement dressés par le gérant. Or, la compagnie avait croulé et Arnoux, civilement responsable, venait d'être condamné, avec les autres, à la garantie des dommages-intérêts, ce qui lui faisait une perte d'environ 30 000 francs, aggravée par les motifs du jugement. Frédéric apprit cela dans un journal et se précipita vers la rue de Paradis. On le reçut dans la chambre de madame. C'était l'heure du premier déjeuner. Des bols de café au lait encombraient un guéridon auprès du feu. Des savates traînaient sur le tapis, des vêtements sur les fauteuils. Arnoux, en caleçon et en veste de tricot, avait les yeux rouges et la chevelure ébouriffée. Le petit Eugène, à cause de ses oreillons, pleurait tout en grignotant sa tartine. Sa sœur mangeait tranquillement. Madame Arnoux, un peu plus pâle que d'habitude, les servait tous les trois. « Eh bien, » dit Arnoux, en poussant un gros soupir, « vous savez. » Et Frédéric, ayant fait un geste de compassion, « voilà, j'ai été victime de ma confiance. » Puis il se tut, et son abattement était si fort qu'il repoussa le déjeuner. Madame Arnoux leva les yeux avec un haussement d'épaule. Il se passa les mains sur le front. « Après tout, je ne suis pas coupable. Je n'ai rien à me reprocher. C'est un malheur. On s'en tirera. Ah, ma foi, tant pis. » Il entama une brioche, obéissant du reste aux sollicitations de sa femme. Le soir, il voulut dîner seul, avec elle, dans un cabinet particulier, à la Maison d'Or. Madame Arnoux ne comprit rien à ce mouvement de cœur, sauf à sans même d'être traitée en lorette, ce qui, de la part d'Arnoux au contraire, était une preuve d'affection. Puis, comme il s'ennuyait, il alla se distraire chez la maréchale.